98.9. Toujours live sur iHeartRadio. Ta musique, des chums, ton fun. Énergie. 98.9. Un show sans filtre. Le rock vit ici. L'unique show 100% rock en ville. The Rock Show. The Rock Show. Le Rock Show. Avec Phil Branch. Comment ça va? C'est un excellent mardi soir. Merci d'avoir choisi Énergie, le tailgate officiel avant le match du Canadien de Montréal face aux Panthers de la Floride. Présenté sur les ondes de RDS d'ailleurs, tantôt à 19h. Mais entre-temps, m'occupe de la musique. On va se mettre dedans, les chums. Ça vous tente? On aura du RDD Peace, Three Days Grace, Sugar Ray, Linkin Park également. Vous voulez entendre une toune, vous me textez sur le 6-12-12. Et on commence ça immédiatement avec Metallica. Metallica qui a annoncé deux shows à 5 heures de route du Grand Montréal aux États-Unis. Là, il se rapproche tranquillement, mais sûrement, du Québec. C'est l'automne prochain. Est-ce qu'il va avoir un show l'automne prochain au Québec? Il n'y a rien annoncé. Mais moi, je me croise les doigts. Puis j'aimerais ça en tabarouette. Voici Until It Sleeps, Metallica sur Énergie. Where do I take this pain of mine? I run, but it stays right by my side. So tell me, open, pour me out. The things inside that scream and shout. And the pain still hates me. So hold me until it sleeps. Just like the curse, just like the strain. You feed it once and now it stays. Stains you so, hold me. feel like this, yeah, I was calling out of being a Tristan. I was oh don't man, but I'll do it again. And I was running out of gas, so I'm doing it dead. Then I went along with a suicide. Didn't wanna leave, it was on my mind. And then I looked into the mirror and I wasn't saved. I was one more gone again today, but I'm doing up, I don't know where I was last night. Oh! Get in the car at 2:45, and I was looking at a lady who was looking at me, and I was trying hard to think, but I couldn't drink, cause I was already on some trip I need, and I was on my knees, and I wanted to be everything I could, and I couldn't believe. So I got in my back, I was feeling the rush. So I run, running again. I'm doing fine, killing time. I'm doing fine, killing time. Over the line, with a friend of mine. I'm doing fine, killing time. When I wake up, I don't know where I was last night. Du rock corrosif, servi par un animateur qui décape. Comment ça va? Le Rock Show. Avec Phil Branch. Énergie. I can't feel you there. Become so tired. So much. game, Phil. Bonne chance, mon vieux. C'est le moment de faire votre demande sur les messageries texte au 6-12-12. Vous avez envie d'entendre quoi ce soir là, pour partir la semaine? Mardi soir, textez-moi maintenant sur la messagerie texte au 6-12-12. Je fais le temps, hein, fait que ça peut brasser. C'est comme vous voulez. En musique, qu'est-ce qui s'en vient? Deux bandes qu'on aura la chance de voir au mois de juillet prochain à Québec. Pas au Québec, à Québec. Dans les prochaines news avec Uprising. Et on débute ça immédiatement avec un groupe qui sera de passage au Centre Vidéotron le 15 juillet prochain. Shinedown. Née la plus récente, Safe and Sound, dans le Rock Show sur Énergie. Branch connaît peut-être rien à la physique quantique, mais il est certifié pour jouer des classiques épiques. The Rock Show. Énergie. Voici un artiste de la programmation du Festival d'été de Québec. Transmissions will resume. I'll try to push, try to keep us all down, down, and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another package like to keep us trapped in greed. All a green belts wrapped around our minds, an endless red tape to keep the truth confined. Oh, game, Phil. Bonne chance, mon vieux. J'adore le Rock Show, puisque quand je vous demande de passer à l'action, vous répondez présent, vous passez à l'appel sur le 6-12-0. J'ai dit, je veux une demande de quoi qui brasse, de quoi de tannant. Plein de textos. Martin, merci Martin pour ton texto. Il y a Cole qui m'a texté dans les dernières minutes. Andrew qui est là. Martin Bertillon également, merci pour ton message. JF, salut mon chum. Content de te savoir à l'écoute. La demande que j'ai retenue ce soir, oh, ça va faire plaisir à ben du monde. Hein. Information System of a Down. Vous avez reconnu les notes derniers mois. Ça fait 25 ans qu'on a lancé cette chanson-là. Voici Toxicity sur Énergie. Looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Disorder. More wood for their fires, loud neighbors. Flashlight reveries caught in the headlights of a truck. Pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Over. hurts to live today. Oh, and she says, don't you wish you were dead like me? And I remember the day when you left for Santa Monica. You left me to remain with all your excuses for everything. The time when you left for Santa Monica. I remember the day you told me it's over. I wanted more than this. I needed more than this. I deserve more than this. But it just won't stop. It just won't go away. Santa Monica, you left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left it all behind. I remember the day you told me it's over. You left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left for Santa Monica. Yeah, I remember the day you told me it's over. Long till you break. You're happy because you smile, but how much can you make? An ordinary boy, an ordinary name, but ordinary's just not good enough today. And now, I'm thinking, why, ordinary girl, ordinary waste, but ordinary's just not good enough today. Alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone, alone. I'm thinking, why? Now, how, now, how, now, how. doesn't anybody ever know? Doesn't anybody ever know? Doesn't anybody ever know that the world's a subway, subway? Probablement le show le plus rock au monde. Vous êtes dans le rock show partout au Québec sur Énergie. Ton chum Phil Branch qui est là pour encore quelques minutes. Je suis là pour vous accompagner avec de l'excellente musique. Mais je veux vous parler des amis de Midi Fun. Pagé, McLeod et Marc-Claude Savard seront là demain à compter de 11h25. Et demain, on va relancer les petits talents Énergie. Vous savez que ça fait longtemps qu'on fait ça. J'adore ce segment où on vous met vous. Les auditeurs, ceux qui nous suivent, les chums qui sont là jour après jour, on vous met en vedette avec vos petits talents niaiseux. Hein? Peut-être que vous êtes la personne qui claque le plus de fois des doigts en 60 secondes. Les bruits de bouche les plus bizarres. On veut connaître votre talent inusité. On va vous expliquer cette année comment ça va fonctionner. Soyez à l'écoute demain à compter de 11h25. Au retour, de l'excellente musique, entre autres Three Days Grace, Sugar Ray et la musique de Nirvana qui s'en vient. Bougez pas! On raconte qu'une voûte repose dans les studios du 98.9 Énergie et qu'elle ne s'ouvre qu'à celui ou celle qui détient la combinaison secrète. Quatre chiffres et des milliers de dollars en prix. Écoutez le 98.9 Énergie pour découvrir le chiffre du jour. À gagner vendredi dans le Boost avec la bonne combinaison, un certificat cadeau de 1000 $ au Club Tadoussac, plus 1000 $ pour toutes tes dépenses. Détails à radioénergie.ca, section concours. Une exclusivité 98.9. Énergie. En collaboration avec le Club Tadoussac. D'importants travaux sur Laurier-Nord. La sortie chemin Saint-Louis sera fermée en tout temps à partir de 20h ce soir et jusqu'au 17 septembre. Sur Laurier-Nord, entre le chemin Saint-Louis et l'avenue Lavigerie, la route sera fermée ce soir et demain, entre 20h et 5h30 le lendemain. Envie de plus de raffinement, plus d'espace et plus d'économie d'essence? Obtenez-en plus avec les Mazda CX-70 et CX-90 chez votre concessionnaire Mazda dès aujourd'hui. Cet été, voyez le Cirque du Soleil sous le dôme de l'amphithéâtre Cogeco pour un hommage exclusif à Jean Leloup, Paradis perdu, du 15 juillet au 15 août, exclusivement à Trois-Rivières. Billets disponibles au amphithéâtrecogeco.com. Ce printemps, respirez l'air de la forêt, écoutez la rivière et reconnectez-vous à la nature. Au Sibéria Spa, profitez de 15% de rabais sur les abonnements mensuels et prenez soin de vous un moment à la fois. Détails au sibériaspa.com. Le printemps est enfin de retour et Julie souhaite profiter de chaque instant avec de longues promenades en forêt pour reconnecter avec la nature. Allô les filles, ça va? Et reconnecter avec ses meilleurs amis dont l'une est en plein shower de bébé à l'autre bout du pays. Pour ne rien manquer d'important, passez au meilleur réseau 5G au pays. Obtenez toutes les données dont vous avez besoin à un prix incroyable. Visitez un magasin Bell ou bell.ca/forfait mobile. Bell, tout part d'une connexion. Participez à la Loto 7 de cœur. Un gagnant chaque semaine. Trouvez le 7 de cœur et c'est le gros lot de plusieurs milliers de dollars. Êtes-vous notre prochain gagnant? Achetez vos billets dès maintenant sur loto7decoeur.ca. Une chance de gagner, la certitude d'aider. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittelcha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. On n'a jamais trouvé les fins de mois faciles avec mon chum. Mais depuis quelques mois, même en coupant dans nos dépenses, on n'arrivait plus. C'est là qu'on a contacté Roy Métivier Roberge. Savez-vous que la très grande majorité de nos clients sortent de l'endettement sans faire faillite? Pour en savoir plus sur les solutions qui s'offrent à vous, prenez rendez-vous avec nos conseillers. Ils prennent le temps de vous écouter, car avec eux, c'est vous avant tout. Roy Métivier Roberge, syndic autorisé en insolvabilité. 5 étoiles sur Google, rmrsyndic.com. La vieille clim va lâcher. Plus bruyante que le voisin. Ben voyons, 8 heures un samedi matin. L'été, c'est fait pour relaxer. Choisis Hi-Tech Climatisation. Concessionnaire agréé de Fujitsu Airstage. Hi-TechClimatisation.com. Cette semaine, dans la circulaire Super C, la caisse de 48 canettes de Budweiser est à 72$, puis la caisse de 24 bouteilles de Corona est à 35,99$. Hey, c'est super, Super C. Valide jusqu'au 8 avril en magasin en ligne. Détails au supercé.ca. Visitez shopico.ca pour économiser gros sur des offres formidables. Par exemple... Relaxez au Spa des Neiges le temps d'une journée d'exception en bordure du fleuve Saint-Laurent. Profitez d'un repas gourmand en bonne compagnie à l'une des trois brasseries La Baraque et réservez dès maintenant votre séjour romantique au Batur Hôtel Fjord Saguenay. Vous voulez offrir quelque chose d'original? Optez pour une carte cadeau Shopico et laissez chacun choisir ce qui lui plaît. Shopico.ca. À Québec, sur iHeart Radio. Au 98.9. À job, c'est plus le fun avec une heure de ta musique non-stop. Tous les jours de la semaine, 9h. Tout de suite après le boost. Ta musique, tes jobs, ton fun. Ton fun! Énergie! 98.9. I've tried, but I still can't read your mind. Wonder if there was a sign that somehow slipped me by. If you're right at the edge or you found someone else, let me know. Oh, tell me when it's over. Break me up. Game. Ce soir, le CH saute sur la glace et affronte les Panthers de la Floride. Le hockey du CH se vit ici. Plus de victoires, plus de fun. Énergie. Try to figure out, not sure.

Show. J'espère que vous avez passé un bon mardi soir. Ça a été le fun de vous accompagner pendant 60 minutes dans le Rock Show, partout à la grandeur du Québec sur Énergie. Dans les prochaines minutes, ben bien sûr, le match du Canadien de Montréal qui va débuter sur les ondes de RDS. Je me mettrai pas la tête dans le sable. On a bien hâte. Il y a des plateaux à atteindre du côté du Canadien. On va souhaiter que ça se passe devant les partisans ce soir. Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je suis diffusé à la grandeur du Québec. Dans les prochaines minutes, il y a plein de matchs. Québec contre Charlottetown, match numéro 7. Gatineau-Rouyn-Noranda, match numéro 7. Et Sherbrooke-Shawinigan, un autre match numéro 7. Profitez-en si vous êtes là-bas. Vous allez voir, encourager vos équipes locales. C'est ça, c'est super important. Et soyez prudents sur le retour après la game, surtout si votre équipe préférée gagne. Hein, on fait pas de folie. Au retour, mon last call. Oh. C'est Papa Roach avec Brain Dead. Oh, yes! Reste pas loin. Reste pas loin. Ça s'en va. Après une longue tournée, Marie-Lyne et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes grues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les crues, une série originale Crave. Les grandes crues d'Ivrogne à Vigneronne. À regarder dès le 9 avril. C'est bon en Crave. D'autres travaux sur le boulevard Laurier en direction sud entre la route de l'Église et Henri IV, une voie sur trois est retranchée en tout temps jusqu'au 15 mai. Sur Laurier Nord, entre Henri IV et la route de l'Église, une voie sur trois est retranchée en tout temps, mais la route sera fermée ce soir et demain entre 20h et 5h30 le lendemain. Chez Uniprix, les produits de la marque Jameson sont offerts à 40 % de rabais jusqu'à mercredi. Pour d'autres offres, consultez la circulaire. Retour des promos printemps au Club Avantage Multisport. Gym, workout, spinning, tennis, pickleball, badminton, yoga. 3 mois, tous les services pour 145 $. Garderie et semaine d'essai gratuite. Visitez-nous à clubavantage.ca. Économie et confort, le duo gagnant. En avril, gardez votre argent dans vos poches grâce à Multiconfort FP. Économisez 15 % sur les frais d'installation et bénéficiez de 6 mois de congé de paiement sur certains appareils. Installation, réparation et entretien préventif. Soyez prêts pour l'été avec les techniciens de Multiconfort FP. Climatisez mieux, payez moins. Soumission gratuite. Multiconfortfp.ca. Les spécialistes des thermopompes en face de l'aéroport. Vous vendez ou achetez une propriété? Faites confiance à Dominique Lejeune, courtier immobilier chez Via Capital Select. 13 ans d'expérience, plus de 1000 transactions. Une valeur sûre. 418 456 7010. Dominique Lejeune. L'humain avant tout. Le 98.9 Énergie souligne. Votre rendez-vous littéraire annuel, le Salon international du livre de Québec, se tiendra du 8 au 12 avril. Un événement accessible à tous au Centre des congrès de Québec. Détails sur silq.ca. Depuis 50 ans, le Centre de formation en transport de Charlebourg forme les gens avec rigueur, les accompagne vers l'avenir et nourrit leurs rêves. Depuis 1976, on avance ensemble. Et ensemble, on pousse notre mission toujours plus loin. cftc.qc.ca. L'hiver, c'est pas juste pour coucouner. C'est le moment de te dépasser. Performance, énergie, récupération ou simplement pour être en santé. Avec XPN, tu choisis des suppléments conçus ici par des passionnés qui comprennent tes besoins. Suppléments, protéines, vitamines, des formules efficaces, fiables et performantes, testées, approuvées et qui donnent des résultats. Que tu sois au gym, au travail ou en préparation pour ta meilleure saison, repousse tes limites avec XPN. Nos produits sont disponibles en magasin, au gym ou sur xpnworld.com. Au 98.9, toujours live sur iHeartRadio. Sur iHeartRadio. Partout à Québec. Ta musique. Ta musique. Tes chums. Tes chums. 98.9. Nightmare 357, Molotov cocktails rain from the heavens. panic and I'm messed up. Sweating through my sheets, praise God that I'm blessed up. Cause every day you grind in the trenches. Every day the same, never ending. Even through the pain and the wreckage, I'ma make it through. One life, I got one chance, got one shot, won't get it again. I don't wanna waste it, wake up feeling brain dead. One life, one chance, got one shot, won't get it again. I don't wanna waste it, wake up feeling brain dead. Parti pour Énergie 100% musique. Énergie 100% musique. Énergie. En soirée, ta musique, tes jobs, ton fun. Énergie. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? Second floor is hard for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time I'd better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Last better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me. Say it, time to say it. Yeah.

at all those movie stars. They're all so beautiful and clean. When the housemates rub the floors, they get the spaces in between. I wanna live a life like that. I wanna be just like a king. Take my picture by the pool, 'cause I'm the next big thing. Beverly Hills, that's where I want. Encore plus au retour. Énergie. 100% musique. Énergie. Midi. Le show du midi le plus fun au Québec. Avec tes chums Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. Mon Dieu, que je me suis fait un nouvel ami. Du côté du 418. Et c'est quelqu'un qui a réponse à tout, en fait. Ouais. Une manière originale de régler à peu près n'importe quel problème. T'as le numéro à ma blonde, quoi. Demain, 11h25, toujours live sur l'application iHeartRadio et à Énergie. Énergie. D'importants travaux sur Laurier-Nord. La sortie chemin Saint-Louis sera fermée en tout temps à partir de 20h ce soir et jusqu'au 17 septembre. Sur Laurier-Nord, entre le chemin Saint-Louis et l'avenue Lavigerie, la route sera fermée ce soir et demain entre 20h et 5h30 le lendemain. Les vacances d'été approchent. Que diriez-vous de l'Europe, du Sud ou de l'Afrique? Économisez durant le grand solde d'Air Transat d'ici le 19 avril. Réservez sur airtransat.com. Je cherche des pneus. Ben pour tes pneus, c'est chez Miakin Auto V1 Pneus et Mécanique. Ils font aussi des réparations? Ben oui, chez Miakin Auto, c'est la place. Angle Amel et Robert Bourassa.